Réponse à cette ambiguïté. L'homme, dans ce hadith, n'a pas commis de polythéisme majeur et était monothéisme, alors en quoi son histoire serait-elle un argument? Cheikh Abd al-Latif ibn Abd al-Rahman le Cheikh dit, et le hadith de l'homme qui demanda à sa famille de le brûler, cet homme était monothéiste et n'avait pas commis le grand polythéisme, car il est confirmé par la voix d'Abi Kamil, d'après Ahmed, d'après Thabit, d'après Abi Rafi', d'après Abu Huraira. Il n'avait pas fait un seul acte de bien à part le monothéisme. Donc l'argumentation par ce hadith dans notre sujet est dès lors invalide. En effet, l'imam Ahmed rapporte dans son Mousned, d'après Abu Huraira, d'après le prophète, alayhi salatu wa salam, et plus d'une personne, d'après Al-Hassan et Ibn Sirin, d'après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, il y avait un homme avant vous qui n'avait fait aucun acte de bien à part le monothéisme. Lorsque la mort lui parvint, il dit à sa famille, lorsque je mourrai, brûlez-moi jusqu'à ce que je devienne cendre, puis réduis-la en poudre et jette-la un jour devant. Lorsqu'il mourut, ils firent ce qu'il a eu demandé. Mais une fois entre les mains d'Allah, Allah lui dit, ô fils d'Adam, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Il dit, la peur de toi, ô Seigneur. Alors Allah lui pardonna, bien qu'il n'avait pas fait un seul acte de bien, autre que le monothéisme. Ce hadith n'est donc absolument pas un argument en faveur de ces égarés, ni une preuve contre nous, car nous parlons de celui qui commet du grand polythéisme, celui qui donne un égal à Allah, alors que cet homme, dans ce hadith, n'a jamais donné d'associé à Allah. S'ils disent, mais il a ignoré la puissance d'Allah, et ceci est de la grande mécréance, nous répondons, cet homme n'a jamais ignoré la puissance d'Allah, comme vous le prétendez. Ce hadith indique au contraire que cet homme croyait bel et bien qu'Allah était capable de le ressusciter et qu'il y aurait un jugement. Et c'est justement à cause qu'il savait ceci avec certitude, qu'il en fut terrorisé et qu'il chercha un moyen d'y échapper. Sinon, pourquoi aurait-il voulu être réduit en cendres? C'est pour essayer d'échapper à cela, car il pensait que s'il était réduit en cendres éparpillées, peut-être que là, il parviendrait à échapper à la résurrection. Ibn Taymiyyah dit, il avait foi en Allah dans l'ensemble. Il croyait en la résurrection dans l'ensemble. C'est-à-dire qu'il croyait qu'Allah récompense et châtie après la mort. Et il avait fait une bonne action qui est la peur qu'Allah le punisse pour ses péchés. Allah lui pardonna alors ses péchés du fait qu'il avait foi en Allah au jour dernier et qu'il avait fait une bonne action. Ibn Hajar al-Asqalani mentionna, Al-Khattabi a dit, et ceci peut poser problème. Comment serait-il pardonné alors qu'il renie la résurrection et la capacité d'Allah de ressusciter les morts? La réponse est qu'il n'a pas renié la résurrection, mais il a ignoré et pensa que si on lui faisait ça, il ne serait pas ressuscité et donc il ne serait pas puni. Or sa foi se manifesta lorsqu'il avoua qu'il ne dit cela que par peur d'Allah. Ainsi nous disons que le fait de croire qu'Allah est tout puissant, mais d'ignorer certains domaines de ce qui est possible et impossible, n'implique pas de donner un égal à Allah, ni de croire qu'un autre qu'Allah est plus puissant qu'Allah, et n'empêche pas d'avoir conviction qu'Allah mérite l'adoration, comme le prouve ce hadith. Cet homme a eu peur d'Allah, or la peur est l'une des bases de l'adoration, et c'est pour cette peur qu'Allah lui a pardonné. Cela nous prouve que connaître l'étendue de la puissance d'Allah n'est imposable qu'après que la preuve soit parvenue. Et le Cheikh Abdullah Abu Bataïn dit, quant à l'homme qui demanda à sa famille de le brûler et qu'Allah lui pardonna malgré qu'il doutait d'un des attributs du Seigneur béni et sanctifié, eh bien, si Allah lui a pardonné, c'est parce qu'aucun messager ne lui était parvenu. Et c'est l'avis de plus d'un savant. C'est pour cela que le Shir Taqiyuddin a dit, celui qui doute d'un attribut parmi les attributs d'Allah, qu'une personne telle que lui ne peut ignorer, il devient mécréant. Et si une personne telle que lui peut ignorer cela, il ne devient pas mécréant. Et il dit, c'est pour cela que le prophète ne jugea pas mécréant celui qui douta de la puissance d'Allah, car il ne peut devenir mécréant qu'après que le message lui soit transmis. C'est également l'avis d'Ibn Aqil. Il estima que cet homme n'avait pas eu accès au message. Et le choix de ce shir, Taqiyuddin, concernant les attributs d'Allah, est que l'ignorant ne devient pas mécréant, mais pour ce qui est du shirk et les choses comme ça, alors non. La réelle différence qu'il existe entre ignorer totalement la puissance d'Allah et le fait de penser qu'Allah ne fait pas une chose en pensant qu'elle est absurde et inconcevable. Et s'ils disent, ça ne change rien de douter d'une partie de la puissance d'Allah ou de douter totalement de la puissance d'Allah, les deux doutes entraînent exactement la même chose. Nous répondons, pensez-vous que si cet homme pensait qu'Allah ne ressuscite personne et qu'il est incapable de quoi que ce soit, pas même de créer une mouche ou de détruire une assiette, aurait-il été également monothéiste, musulman, croyant, pardonné par Allah d'après vous? Si vous admettez qu'une telle personne n'aurait pas pu être croyante, vous aurez alors vous-même répondu à votre argument. Et vous aurez admis qu'il y a une large différence entre celui qui ignore totalement la puissance d'Allah et n'a pas peur d'Allah, et ne peut en aucun cas être croyant ni monothéiste, et celui qui croit en la puissance d'Allah, et qui sait qu'Allah est plus puissant que tout autre en dehors de lui, à tel point qu'il a peur d'Allah. Celui-là sait qu'il n'y a de vrai Dieu qu'Allah, et qu'Allah mérite qu'on le craigne, et que s'il se retrouve entre les mains d'Allah, il sera puni d'un terrible châtiment. Son ignorance n'entraîna pas d'ignorer l'unicité d'Allah et sa seigneurie, ni qu'il est le vrai Dieu et unique, contrairement à celui qui pense qu'Allah n'a pas plus de force qu'une statue ou qu'une table, qu'Allah nous préserve d'un tel sacrilège. Le fait est que cet homme savait qu'Allah est tout-puissant, mais il ne s'imaginait pas que réunir de cendres éparpillées dans le vent et dans la mer soit concevable. Il pensait une telle chose comme étant absurde. Et l'imam Dahlawi a dit, et ceci est l'explication que nous compta le véridique approuvé, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, au sujet de celui qui fut sauvé alors qu'il avait été injuste envers lui-même, et ordonna à sa famille d'être carbonisée, et que ses cendres soient éparpillées de peur qu'Allah ne le ressuscite, et puisse être capable de lui faire quelque chose. Cet homme était sûr et certain qu'Allah était décrit comme ayant une puissance totale. Mais la puissance concerne ce qui est possible et non ce qui est absurde. Or, il croyait que réunir les cendres éparpillées à moitié dans la mer et à moitié dans les terres est une chose absurde. Il ne prit pas cela pour une faiblesse et agit en fonction de ce qu'il avait comme connaissance et ne fut donc pas considéré mécréant. Ibn Taymiyyah a dit, quant à Ahl Sunnah, pour eux Allah est capable de toute chose et tout ce qui est possible est inclus dans cela. Par contre, ce qui est en soi absurde, comme par exemple le fait qu'une chose existe et n'existe pas en même temps, ceci est irréel et son existence est inconcevable. Et tous les gens rationnels sont d'accord pour dire que cela ne porte pas le nom de chose. Comme par exemple, il crée un dieu semblable à lui-même et les choses comme ça. Et Ibn Qayyim dit, l'absurde n'est pas quelque chose et n'a donc pas de rapport avec la capacité. Or Allah est capable de toute chose et absolument aucune possibilité n'est exclue de sa capacité. Abdullah al-Runayman dit, tout ce qui est possible tombe sous la capacité d'Allah. En effet, il n'est rien qui soit en soi possible sans qu'Allah ne soit capable de le faire. Quant à ce qui est en soi absurde, ce n'est pas quelque chose d'après les gens raisonnables, même si ces derniers divergent pour savoir si ce qui n'existe pas, mais pourrait exister, est oui ou non quelque chose, comme la foi d'un mécréant par exemple. Quant à ce qui est en soi absurde, personne n'a jamais dit que cela puisse être quelque chose dans le monde réel. Et l'absurde, cela désigne ce qu'il est impossible d'exister ailleurs que dans l'imagination, comme par exemple le fait qu'une chose existe sans exister. Une telle chose est inconcevable. Ou alors aussi, une chose seule et même chose qui soit complètement noire et en même temps complètement blanc. Ou qu'un seul et même objet précis soit, dans au même instant, donné dans deux endroits différents. Donc si cet homme avait pensé que réunir des cendres éparpillées dans l'océan et dans le vent soit quelque chose d'inconcevable, cela ne fait pas de lui quelqu'un qui ignore la puissance d'Allah. Et ce genre de choses ne peut être connu d'un homme sans qu'Allah ne l'enseigne par le biais d'un prophète. Mais si le message lui était parvenu, l'informant que réunir les cendres est une chose possible et concevable, mais qu'il aurait quand même douté qu'Allah puisse le faire, il aurait alors été un mécréant.